Nous n'y avions pas accès, sauf si nous étions invités. Invités à un repas, c'était là-bas. Invités pour une entrevue exceptionnelle, c'était ici. Mais en général, on ne sortait jamais du rez-de-chaussée. C'était là que nous venions pour lire, pour aller à la salle de lecture. Les directeurs successifs que j'ai vus sont intéressés aux lecteurs. C'était une ouverture sur la France, d'une part, mais aussi une ouverture pratiquée par la France sur le monde arabe. Les uns comme les autres se devaient de se voir, discuter, se consulter, quelquefois faire part de leurs découvertes. Je n'étais pas du tout porté vers la recherche sur le monde arabe ou sur la langue arabe. J'étais ingénieur. Je suis de formation ingénieur. De quel domaine, ingénieur? Civil des ponts et chaussées. Ponts et chaussées. Et je travaillais au ministère. Oh, merci. J'avais été sûre que j'écoutais les impôts. Je travaillais au ministère des ponts et chaussées, qui s'appelle le ministère des communications. D'accord. J'avais presque tous les jours des sorties à faire sur les routes. Je n'avais pas le temps de faire autre chose. Est-ce que, pour situer un peu chronologiquement, est-ce que vous pourriez nous dire donc quelles années vous avez fait vos études et quel cursus vous aviez suivi à ce moment-là? Ce qui vous intéresse, c'est la partie Damas. À Damas, je n'ai pas fait d'études, j'ai exercé la profession au ministère des Communications. Mais vos études, vous les aviez faites où alors? En France et en Suisse. Ah d'accord. Les Ponts et Chaussées, il n'y a pas deux écoles, il y a une école des Ponts et Chaussées qui se trouvait 28 rue des Saint-Pères. Ah oui. Oui. Mais j'ai pratiqué aussi la profession à Paris, puis en Suisse, avant de venir en Syrie. Et là, j'étais au ministère des Communications, c'est-à-dire les routes. J'ai construit des routes en Syrie. Quand j'avais un peu de temps, je venais pour lire. Ou pour... Vous veniez à l'institut pour lire en français, lire la presse. C'est ça. Un jour, le directeur me dit, nous avons une étudiante, une arabisante, mais qui est née au Caire, qui voudrait suivre un stage de parler damascène. D'accord. Elle se trouve en ce moment à Beyrouth, mais le parler béroutin ne lui plaît pas beaucoup, elle voudrait lui parler de Damas. Mais vous voyez là, elle vient, elle s'appelle Claude Audebert. Je la connais bien. Claude fait le voyage et séjourne à Damas et fait la connaissance d'une Syrienne qui devient son amie. Et puis on discute en arabe. Et n'enregistrait pas, il n'y avait pas de matériel comme ça. Le directeur suivait de près cette expérience nouvelle pour l'Institut. Puis c'est l'idée lui vient. Quel directeur à l'époque? LICF. Nikita LICF. Ok. L'idée lui vient de faire. D'ouvrir les portes à plus d'une personne, pourquoi pas? Et de fait, quelques années après, ils étaient trois ou quatre à prendre des leçons particulières. On n'a pas commencé de stage de groupe avant les années 75, par là. Là, l'année dont vous parliez, vous... 63. Le stage tel qu'il est organisé maintenant est une évolution assez, pas tardive, mais enfin, moins lointaine dans le temps. Et lequel stage évolue en lui-même. Il y a surtout l'éruption des non-français au stage. En ce moment, on reçoit des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols. Mais on n'a jamais eu de candidats des pays de l'Est, malheureusement. La raison, on doit en être le coût élevé du stage. Sinon, je suppose qu'il y a toujours des jeunes gens intéressés par la langue arabe dans les pays de l'Est. Enfin, ce n'est pas mon affaire, peut-être pas encore la vôtre. On recevait de temps à autre des visiteurs qui venaient d'eux-mêmes. Ils séjournaient à l'époque au palais Azm. Oui. Vous connaissez ? Oui. Ouais. Bien avant l'Institut, ces visiteurs trouvaient l'hébergement et peut-être plus que l'hébergement, au palais Azam. Certains de ces visiteurs venaient aussi, ils voyaient ce qui se passait ici. Alors ça les accrochait, ils s'intéressaient à ce qui se passait à l'IFEAD. Une fois, je me souviens maintenant, nous avons reçu sur l'initiative de je ne sais plus qui, peut-être l'Institut, peut-être tel ministère, peut-être moi-même, je n'en sais rien, je ne sais plus. C'était Edgar Pisani. Edgar Pisani est venu, il a fait la connaissance de l'Institut, je lui ai fait visiter pas mal de lieux, puis surtout je lui ai fait connaître des ingénieurs. Et alors, de votre ancien métier, des gens ça. Que vous connaissiez. Oui, j'étais encore parmi les ingénieurs. Moi, je suis ingénieur parmi les ingénieurs. Je lui ai fait connaître un groupe d'ingénieurs qui discutaient avec lui. Quelquefois, j'intervenais pour traduire. Je me souviens d'une anecdote. Un des jeunes ingénieurs qui se trouvait là me dit, dites-lui que je ne suis pas du tout intéressé par tout ce que vous racontez là. Moi, j'ai fait l'étude de la motorisation des trains en sous-terre. Je lui ai dit les métros, quoi. Alors je traduis. Alors Pisani me dit, dites-lui que ça ne m'intéresse pas. Mais s'il est intéressé, il peut aller voir le métro parisien. Pisani, en fait, il était venu sur l'invitation du Premier ministre, M. Khlefawi, qui avait eu l'idée de consulter la France sur l'afforestation de régions comme la vallée de l'Euphrate. Alors la France lui a envoyé Edgar Pisani, qui avait, lui, à l'époque de Charles de Gaulle, en France, il avait travaillé sur les arbres, aussi les forêts, tout ça. Donc, venu en Syrie, il a fait un tour, un long tour, seul, avec... Il louait des taxis. Mm-hmm. Il devait être financé. Enfin, il ne m'a jamais consulté sur les périples à parcourir. Et effectivement, on se voyait là, avec M. Raymond à l'époque, et Pisani. À 10 ans, j'étais seul à donner des leçons particulières. Il n'y avait pas de grand public. Mais par la suite, j'ai trouvé jeune secrétaire qui travaillait au ministère, là où j'étais, j'ai trouvé en lui un bon élément pour donner des leçons lui aussi. Je l'ai proposé au directeur. c'était Jamal Chahid, qui est maintenant est professeur ici, et professeur à un centre culturel. Il enseigne aussi bien le français. Et donc, on est devenus deux. Puis, il y a eu un troisième, un quatrième. Après, il y a eu sans doute Selim Barakat. Selim Barakat, effectivement. Selim Barakat a entraîné avec lui M. Walid Al-Hafiz, qui est maintenant professeur. Barakat est décédé, malheureusement. Et il y a maintenant Karout, ils sont très nombreux maintenant. Et le stage a pris de la... Il a pris de la consistance en nombre, en spécialisation. Les professeurs donnent celui-ci de la littérature, l'autre plutôt la poésie, celui-là de l'histoire, celui-là la littérature ancienne, celui-là la littérature contemporaine. Et vous avez là, vous, la bibliothèque où ils viennent se ressourcer. La bibliothèque ad hoc. Mais la bibliothèque de l'IFEAD est aussi à leur disposition. Comment vous avez vu évoluer l'Institut dans toutes ces années avec au fil des différents directeurs? Vous avez parlé donc de Nikita Elisseff au début, puis ensuite je pense qu'il y a dû y avoir André Raymond, et puis ses successeurs. Comment vous avez vu au fil du temps évoluer l'Institut de façon générale, pas seulement du point de vue peut-être du stage d'arabe, mais enfin de celui-là bien sûr, mais d'autres points de vue aussi? Le contact très sympathique avec les lecteurs qui n'ont rien à voir avec le stage se sont perpétués. Il faut y aller, il faut aller voir. Si vous vous installez dans la salle de lecture, vous verrez passer un lecteur vers le directeur et vice-versa. Il y a des échanges au niveau des lecteurs qui sont profs à l'université, qui sont des journalistes, des écrivains, qui viennent et trouvent ici un accueil et trouvent aussi de la documentation assez mobilisable. L'indexation a été faite très intelligemment, ce qui permet justement aux utilisateurs d'avoir accès aux sources efficaces pour leur recherche. Ce que vous ne trouvez peut-être pas à l'université de Damas, et peut-être pas non plus à Majma, l'Almi l'Arabi, c'est-à-dire l'Académie. Donc l'Institut est devenu une véritable institution syrienne, bien que son financement, sa gestion relève exclusivement de la France. Et c'est, entre nous soit dit, à la gloire de la France. Il faut féliciter la partie du ministère des Affaires étrangères pour leur bienveillance, leur suivi, car ils doivent suivre. Je n'ai jamais vu un représentant du ministère des Affaires étrangères rendre visite à l'IFEAD. Peut-être M. L'Hôpital est mieux placé pour vous dire, mais je ne sais pas. Est-ce que la présence physique apporterait quelque chose? Ça m'étonne. Ce n'est pas indispensable, n'est-ce pas? Moi, l'essentiel, je trouve, c'est le suivi par personne interposée, c'est-à-dire le directeur ou le sous-directeur, car on a eu souvent des sous-directeurs, comme M. Pasquale. À l'époque de M. Raymond, Pasquale était un excellent sous-directeur sur lequel vous pouvez compter, sur lequel la France a compté et continue maintenant à travailler en Jordanie et vient souvent voir Mme Atassi. Donc cette bosse, je dirais, cette formation, cette découverte du monde arabe à Damas, c'est un trésor qui a été très bien géré jusqu'à maintenant, et je lui souhaite une continuation aussi fructueuse, aussi simple. Ça va de soi, il n'y a pas... On ne fait pas beaucoup de bruit autour. Les roues tournent grâce à une certaine routine de la part des personnels syriens autant que des personnels français. Pourquoi ne pas parler de personnels ni français ni arabes qui sont là et qui donnent aussi de l'âme et une raison d'être plus ouverte à la recherche. Je regrette toujours que les pays de l'Est n'aient pas les moyens d'envoyer des jeunes chercheurs. On a eu une fois des Suédoises, on a eu, mais sans plus. Vous auriez voulu quel pays? Les pays de l'Est, non. Les pays de l'Est. Oui. Des Roumaines, des Polonaises, pourquoi pas, des Russes. Vous disiez que vous-même, au départ, venant du monde des ingénieurs, que vous n'étiez pas spécialement porté sur ces questions d'histoire et de recherche sur le monde arabe. Qu'est-ce que ça vous a... Comment ça s'est passé, la rencontre avec ce monde de gens qui faisaient de la recherche, de la littérature? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous avez tout de suite lié? Non, ma formation a été en principe exclusivement technique. Mais dans mon milieu, à moi, mon père était prof d'arabe. J'ai reçu une formation à la langue et à la littérature arabe avec mon enfance. Est-ce le hasard? Oui, je pense que c'est le hasard. Et vous avez été aussi formé en français, parce que pour pouvoir faire des études en France, ça veut dire que vous aviez déjà une très bonne... Où est-ce que vous aviez appris le français, en fait? Au lycée, où j'ai fait mes études. Ici, à Damas, oui. Donc. Au lycée, d'abord, ensuite à l'école d'ingénieurs de Beyrouth, chez les jésuites, puis ensuite aux Ponts et Chaussées. La langue française a toujours été ma deuxième langue vivante. Sans aucune prétention. Est-ce qu'il y a des chercheurs, des gens qui sont passés à l'IFEAD dans les premières années, puis par la suite, avec qui vous avez eu des affinités, des contacts particulièrement, qui pour vous étaient particulièrement importants? Et dans quel type de domaine ces gens-là? Qu'est-ce qui vous attire? En général, non. Les stagiaires, quand ils repartent, disparaissent. Vous n'avez plus aucune nouvelle d'eux. Aucune. Il y en a qui sont revenus, cela dit. Il y en a qui sont revenus ensuite comme pensionnaires, comme chercheurs. Peut-être, oui, mais ils ne maintiennent pas un contact humain. Ils ne sont pas portés à ça. Est-ce la faute de leur formateur? C'est possible. Mais... Là, vous parlez des boursiers, mais des gens qui restaient... Là, vous parlez peut-être de ceux qui restaient qu'une seule année, mais il y avait des gens qui restaient quand même plusieurs années. Comme vous parliez, par exemple, de Jean-Paul Pascual. Oui, mais c'est une exception, Pascual. Pascual est devenu fonctionnaire à l'Institut. Mais il n'y en a pas beaucoup comme lui. L'institution est quand même restée comme un lieu de passage, une salle des pas perdus. Ce qui est peut-être dommage, mais est-ce la faute des formateurs dont je suis? Ce n'est pas impossible. Claude Audebert, Solange Horry à Aix sont restés des amis, mais c'est une exception. Quand je suis allé à Aix, j'étais hébergé par l'une et l'autre, par Claude Audebert autant que par Solange Horry. Vous êtes allé souvent à Aix? Une fois. des fois. À Paris, je ne voyais personne. Personne. Je n'avais même pas d'adresse. Il n'y a pas de suivi, et bien je m'accuse pour commencer. Si j'ai relevé des adresses, ce n'était pas dans l'intention de poursuivre les contacts. Non. Donc c'était quand même des, selon vous, selon ce que vous dites là, c'était des relations qui étaient quand même... Est-ce qu'il y avait un côté un peu décevant à ça, de, que les contacts soient, ne se maintiennent pas plus longtemps et que l'IFEAD à l'époque soit un peu un lieu de passage, comme vous disiez? Il y a une part de disponibilité. Les professeurs comme Chahid, comme Karoud, que vous venez de voir, ils sont très pris. Certains sont pris ailleurs. Chahid est pris au centre culturel Karoud. Il va aux États-Unis tous les ans, où il donne de l'arabe là-bas, et où il est grassement payé, beaucoup plus grassement que la France, soit dit entre nous. Oui, alors, il court après, il a des enfants. Certains, on dirait, quand vous les entendez, ils sont déçus, ils expriment leur déception, que je ne partage pas. Je n'ai pas de déception, j'ai des regrets. Pourquoi il n'y a jamais eu de directeur conscient de la valeur pour le futur, de contacts mieux nourris, entretenus entre certains anciens, certaines vocations anciennes et le corps enseignant. Vous pouvez transmettre avec mes hommages. Cela dit, tous les directeurs n'étaient pas les mêmes. Comment vous avez diversement apprécié, je dis apprécié, non pas dans un sens positif ou négatif, mais comment vous avez différemment perçu tous les directeurs que vous avez vus se succéder? Vous en avez vu quelques-uns. Est-ce qu'il y a eu des périodes qui vous ont paru plus fastes que d'autres et d'autres qui, au contraire, vous ont paru plus fermées? Je ne crois pas, non. Non, les directeurs, ils étaient produits avec le même moule. Et puis, si le moule d'avant était légèrement différent, il s'adaptait très vite au moule local. Et la caractéristique entraînante, dominante à l'Institut, c'est le roulement des stagiaires et des chercheurs particuliers qui viennent pour leur propre compte. L'hôpital, par exemple, il n'a pas été directeur comme ça. Il était d'abord... Je crois qu'il a travaillé au centre culturel, pour commencer. Et là, il a donné quelques conférences. J'étais frappé par son style exceptionnellement beau, très beau, il écrit bien. Mm-hmm. Je n'ai pas vu de directeur comme lui. De ce point de vue-là. Ah oui, le français. Et alors, l'arabe, il a étudié presque tout seul. Je ne crois pas qu'il ait suivi un stage, non. Il connaissait l'arabe bien avant. Grâce à ses voyages en Afrique du Nord. Mmh. Il y avait donc une formation à l'arabe sur le tas et assez artisanale. Maintenant, il se débrouille bien. Il est très bien en arabe. Je ne l'ai jamais examiné. Je ne l'ai pas soumis à un examen en arabe. Quand on est ensemble, on discute en français. Vous venez de voir là Jérôme Lantin. qui est rentré. Jérôme Blantin. Il vient consulter les dictionnaires qui sont là. Oui. Je n'ai pas vu que c'était lui. On voulait l'enregistrer aussi, question. Il est professeur à Paris. Et là, il est en train de traduire en français un dictionnaire de l'arabe dialectal. Lui, ça fait partie des stagiaires avec qui vous avez dû garder des contacts. Il y a longtemps, oui. Alors, si vous parlez des anciens, il faut évoquer Seurat. Mmh. Michel Seurat. Auquel j'étais très attaché comme personne. Et je ne peux évoquer son souvenir. Vous l'aviez eu donc comme boursier, comme vous. Est-ce qu'il y a eu d'autres. Oui, pardon, vas-y. Non. En fait, donc Michel Seurat, justement, on a conservé ses archives sonores, donc on a des entretiens qu'il a réalisés. Ah oui. Oui, et qu'on va conserver à la bibliothèque donc d'Aix-en-Provence. Ah oui. Donc c'est vrai que ben, je vois que ça vous émeut. Donc, et si vous vouliez parler de son séjour à l'IFEAD, c'est aussi une manière de se souvenir de lui, et de, puisqu'on va retravailler sur ses enregistrements et ses archives. C'était un garçon très éveillé. Oui. Exceptionnellement doué et éveillé. Et il m'embarrassait dans les leçons particulières. Il me poussait à mes retranchements. Je ne devinais pas en lui cette bombe humaine qui a eu raison de lui pour finir. Personne ne pouvait deviner que ça allait être aussi tragique. Il a eu de la malchance aussi. Il a joué avec le feu, c'est vrai. Il a fréquenté des milieux à la limite. Je ne les connais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est fourvoyé. Il avait sa motocycle. Très belle motocycle. Il venait du Liban ou de je ne sais où. Et il était reçu par Bianchi, si je ne m'abuse. Oui. Bianchi le recevait seul. Mais on voyait à leur visage qu'ils étaient hyper tendus, l'un et l'autre. Ils ne s'entendaient pas. Je devinais que Bianchi n'était pas d'avis pour que Seurat prenne des risques. Lesquels ? Seurat est resté extrêmement discret. Gardez tout ça. Oui. Seurat est resté, Bianchi est resté discret, il n'a jamais rien dit. Puis, avec sa moto, il faisait la navette entre Beyrouth et Latakia. Hein? Je n'étais pas encore marié à ma connaissance. Mais il a dû être marié, puisqu'il a une fille. Non. Je ne connais pas, je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas suivi, mais j'ai beaucoup aimé sa motocyclette, extraordinaire, très belle, très puissante. Il en voulait. Il vous a jamais amené faire un tour sur sa moto? Non. Non, jamais. Vous auriez dû lui demander quand même. Oui. Mais vous aviez une amitié avec lui, c'était sympathique. La relation qu'il avait avec lui était spécialement sympathique. Il avait un faciès humain, pas comme il a sa fille, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est à Paris. Elle est à Paris. Mmh. Comme je souhaiterais la voir ou à sa photo. Sans la déranger, évidemment. D'accord. Lui était beau. Vous l'avez vu ? En photo. Oh, c'est un beau garçon. Très beau garçon de la langue. Il avait de la langue. Il avait foi en l'homme, en la vie. Il s'est trompé. ça a été fatal. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes comme ça que vous avez rencontrées pendant ces années qui vous ont marqué aussi? Entre autres. C'est l'initiatrice au stage. Claude Debert aussi, oui. Elle a beaucoup d'énergie. C'est celle qui a initié le stage, oui. Pratiquement. Quelle dynamique, vous l'avez connue? Je la connais, voilà. L'État de Saint-Provence. Oui. Quelle dynamique, quelle... Avec les étudiants, elle a des liens très forts avec... Mmh. S'il a comparé avec Seurat, Audebert, c'est une nature qui donne, qui provoque. Seurat était plutôt fermé sur son univers, sur ses dadas. On ne devinait pas où est-ce qu'il voulait en venir. Et vous avez souvenir, pour changer de sujet, être plus de moments de convivialité au sein de l'IFPO, dans l'histoire de l'IFPO qui faisait que, enfin de l'Institut, pardon, puisque je connais l'IFPO et pas des moments qui sont un peu mémorables, qui ont pu être sympathiques, donner une... Hélas, non. Non. Je n'oublierai pas que j'ai été invité à quelques reprises par M. Raymond à sa table ici. C'est tout à fait inoubliable. Mais c'était à l'occasion de tels visiteurs. Il fallait inviter quelques figurants. J'ai fait partie de ces figurants. Avec Pisani, c'était moi qui... Mener la barque. Oui. De façon générale, est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait à l'intérieur de l'Institut, entre les personnels, professeurs, administrateurs syriens et puis les Français, est-ce que, pour poursuivre un peu la question sur la convivialité, est-ce qu'il y avait des liens en général sympathiques qui s'établissaient? Est-ce qu'il y avait des liens en dehors qui s'établissaient, en dehors du travail, en dehors du cadre de l'Institut, ou bien est-ce que ça restait dans un cadre strictement professionnel de l'Institut? Je n'ai pas souvenance d'une promenade en commun, d'une visite à un site historique en commun. Jamais l'idée n'a frôlé les responsables. Alors que la Syrie est un pays très accueillant, il y a des sites merveilleux que vous pouvez visiter avec les étrangers peuvent visiter avec vous. Jamais l'idée n'est venue aux responsables de se proposer, de proposer aux autres un tour. Jamais. Enfin, pas grave, ce n'est pas la vocation. L'archéologie, ce n'est pas notre faute. Il y a des archéologues qui ont, eux, la possibilité de visiter ou faire visiter à leurs amis les sites archéologiques, mais pas les féades. Oui, mais ça aurait pu être justement un moyen de se voir en dehors de... Mais selon vous, c'est pour quelle raison il n'y avait pas ce type de rapport Moi, je crois que ce qui gêne, ce qui entrave... De telles initiatives les empêchent, même les étouffent, c'est que les responsables changent. Alors que les anciens sont toujours les mêmes. Les anciens n'ont pas d'initiative, on ne leur demande pas de prendre des initiatives, et les responsables se trouve comme soumis à l'examen de passage. Chaque fois qu'ils doivent prendre une décision, ils doivent se gratter le crâne. Est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu de contact vivant, d'amitié vivante entre les responsables non syriens et les faux responsables qui sont des Syriens. Et aller proposer quelque chose. Ça vous est arrivé de proposer des choses? Non. Vous n'aviez pas envie, ou bien vous sentiez que ça ne serait pas forcément retenu? Non, je me disais, tu appartiens à deux univers. Effectivement, j'appartiens à deux univers. La profession de route m'obligeait à sortir sur les routes presque tous les jours. Vous avez toujours conservé votre métier? Mais oui, jusqu'à la retraite. D'accord. J'ai toujours suivi ma profession de constructeur de route, de planificateur de route. Les grands axes que vous pouvez parcourir maintenant, c'est moi qui les ai tracés sur les plans et sur le terrain, avec des équipes de topographes ou quelques ingénieurs. Mais j'étais scindé en deux. Je ne voyais pas que je pouvais mettre un vase communicant entre l'univers routier et l'univers paperasse. Non. Jamais. Et je ne me pose pas la question, tu regrettes pas? Non, ça s'est présenté comme ça. Je ne vois pas M. Bianchi ou M. l'ICF ou Delannou ou l'hôpital m'accompagnant sur la recherche d'un tracé. Avec un casque sur la tête. Sur le mont Calamoun. Il serait dégonflé au bout de 3 km. Vous avez dû voir des sites incroyables en Syrie. Vous devez connaître la Syrie mieux que quiconque. Oui, effectivement. Par contre, vous dites qu'il ne vous aurait pas accompagné sur un tracé de route. En revanche, ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'une telle profession et un tel niveau de responsabilité, ça implique aussi une très grande connaissance du pays, non seulement physique, mais de son administration, de son fonctionnement, de ses rouages, y compris politiques. Et pour une institution qui fait de la recherche sur un pays et sur une région, une telle expérience, par exemple, je ne sais pas, j'imagine que moi, si j'avais été directeur de l'IFCAD, j'aurais pu vous demander de faire une conférence sur l'organisation des travaux publics ici. C'est plus simple au niveau de la logistique, question logistique, mais au départ, vous avez parlé, quand on a commencé, de l'espace de cet institut. Vous avez dit, ici, on ne rentrait pas, c'était directeur. Vous pouvez nous en dire plus, puisque nous, enfin François, il a connu l'Institut, c'était déjà organisé de cette manière-là, non ? À peu près. Comment le bâtiment a évolué par rapport à... C'est visiblement, vous étiez qu'au rez-de-chaussée, c'est ça, et... Les stagiaires étaient hébergés au premier étage. Ah, d'accord. Ensuite, ils n'ont plus été hébergés. Ça me rappelait aussi une anecdote que nous a racontée Elisabeth Longuenès, oui. Justement, qui a fait allusion à Michel Serra en disant qu'un soir, il y avait eu une grosse fête chez les stagiaires et qu'à partir de ce moment-là, le directeur les a obligés à trouver un logement à l'extérieur. Oui. Je me suis souvenue de cette anecdote. Oui. C'était entre Français. Oui, bien sûr. Je n'en ai pas fait partie. Enfin, non, je n'étais pas invité. Sans doute, oui, c'était les... C'était peut-être informel. Hein. C'était au premier étage. Ils avaient chacun Saturne. Et la salle du fond était le lieu où ces stagiaires prenaient leurs leçons particulièrement. Donc quand je venais au premier étage, et je recevais l'un ou l'autre de ces étudiants dans la salle du fond, pas au rez-de-chaussée. Ici, c'était exclusivement l'habitation de monsieur le directeur. D'accord. Donc, c'était beaucoup plus convivial. On se retrouvait régulièrement tous les jours. Pasquale a connu sa femme allemande comme étudiante. Elle était étudiante au premier étage. Je lui ai donné des leçons d'arabe. J'ai visité avec elle les maisons de Damas, parce qu'elle s'était intéressée à l'architecture intérieure des maisons du vieux Damas. Oui, voilà, bon, c'était assez convivial. Surtout ce premier étage était le lieu de rencontres. En passant, je pouvais cogner à la porte. Tu seras prêt dans un quart d'heure, oui, ça va. Ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, les stagiaires doivent se débrouiller tout seuls. Ils vont dans la vieille ville, ils consultent les anciens qui leur donnent des adresses, et ils se débrouillent plus ou moins mal, plus ou moins bien, pour trouver un hébergement. Ce que, à mon avis, a un côté, c'est que ça les oblige à se mêler à la ville. L'épicier du coin, mais ça leur fait perdre beaucoup de temps. Et les jeunes filles ont souvent des problèmes à cause justement de leur naïveté, quelquefois, ils ne savent pas se débrouiller. Alors elles n'en disent mot à personne, sauf exception. Le conseil sur lequel je suis revenu souvent, c'était de créer un logement dans les bâtiments qui sont juste à côté. D'accord. Et qui nous ont été proposés à l'achat. On aurait créé des chambres, services éventuellement, mais ça n'a jamais été suivi d'effet. Certains profs reviennent sur la question maintenant. Ils disent, tiens, mais pourquoi ? Bon, on a déjà proposé la chose à l'administration, mais sans suite. Ah, il y a un projet immobilier pour l'IFPO, peut-être, qui va être... Il y en a un maintenant ? On dirait qu'on en a vaguement entendu parler. Monsieur l'Hôpital a évoqué, puis François Burga aussi essaye de le... Ce serait bien. Mais justement, avec cette séparation entre les archéologues et la Bourmanée, les archéologues aussi venaient prendre des cours d'arabe ou eux, ils s'intéressaient moins à la langue puisqu'ils étaient sur leur fouille. Vous avez eu des... Non. D'accord. Non. Ils avaient leur manière d'apprendre l'arabe avec les ouvriers. D'accord. On n'a pas besoin de beaucoup de vocabulaire. Ou avec les collègues syriens. D'accord. Car il y a des collègues syriens qui travaillent avec eux, les archéologues. Mais les collègues syriens ont le vice de ne parler que le français. Pour aller au plus vite. Mais c'est les ouvriers qui ont dû transmettre quelques bribes d'arabe aux archéologues étrangers. On n'a pas eu d'archéologues étudiants ici. Jamais. Je pensais que vous auriez pu se dire, c'est l'occasion. Oui. Non. Et à partir du moment où le stage s'est beaucoup ouvert, moi j'ai, à l'époque où je suis venu, donc il y a En 89, nous étions encore seulement 8. Et je crois que c'était la première année, d'après ce qu'on m'a dit, où il y avait deux stagiaires italiennes. Je ne sais pas si ça vous évoque un souvenir. Nous étions donc 6 Français, 6 jeunes Français, et il y avait deux filles italiennes. Et apparemment, c'était la première année où il y avait des stagiaires italiennes. Et puis apparemment, après, donc, c'est allé bien au-delà, puisque maintenant, ils en sont à, je ne sais pas combien, 40. De votre point de vue, ça, c'est quelque chose qui a, ça, ça a été un grand changement dans l'esprit du. Non, pas du tout. La présence de deux Italiennes. Non, mais je veux dire ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire l'accroissement en nombre, non. Etc. Non, le recrutement, c'est resté le champ réservé. Offensé. Pourquoi ? Comme ça. Mais il y a eu quand même des stagiaires d'autres nationalités, non ? Très rare. Ah oui. Ben, je pensais que ça s'était plus ouvert. Non, très très rare. On a eu quelques Américaines. Oui, on a eu des Américaines. Très studieuses, très sérieuses. Et se débrouillait bien en ville. Elle habitait pas loin d'ici, ça me revient beaucoup. Mais on n'a pas, hélas, on n'a pas de contact continu. Ce que je regrette, et j'ai souvent proposé un bulletin qui serait entretenu par les stagiaires eux-mêmes. Une fois qu'ils quittent, ils poursuivraient leurs contacts grâce à des écrits, mettons, qui deviennent, si se sont lancés dans l'enseignement arabe, s'ils ont quitté définitivement et pourquoi, comment ils ont été accueillis dans leur pays. C'est très bon pour nous, pour savoir qu'est-ce que ça a donné ensuite, ou bien ça a foiré, ou bien ça a donné quelque chose. Ça n'a jamais été fait. Non. Et c'était simplement de la négligence ou bien c'était que... Ça tournait qu'en fait, comme il y avait chaque fois un nouveau directeur, visiblement c'est quelque chose qui... Non, mais si l'idée avait été lancée à un moment donné, ça aurait pu prendre et puis se poursuivre. Je crois que le hiatus bloquant, c'est l'administration, le directeur compris, d'une part, et le stage, d'autre part. Entre le directeur de l'institut et le directeur du stage, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Ça peut être deux choses différentes. Mais qui était directeur du stage ? C'est Gauthier. Eric Gauthier a toujours été le directeur du stage. Ah bon. Lui-même, un ancien stagiaire. Mais ça fait longtemps, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, il n'y avait pas. Oui, avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de directeur du stage. Et c'est à partir de quel moment qu'il y a eu un directeur du stage ? Oui, il y a une quinzaine d'années. Ah oui, d'accord. Et vous, dans votre enseignement, vous aimiez enseigner quoi ? De quelle façon ? Comment vous étiez enseignant ? Très quelconque. Bon, oh. Ça m'étonnerait, on a eu que des éloges, donc ne vous arrêtez pas à ça. Croyez-moi. Non. Je ne sais pas comment j'étais. J'improvisais chaque fois. Est-ce qu'on... Vous choisissiez quel texte, vous étiez sur quel texte. Est-ce que les directeurs, oui. Ouvrez le panneau là, à droite. Celui-ci ? À droite, oui. Ah, ça c'est beaucoup. Il y a la moitié de ce qu'il y avait. Je commence à vider, à faire le vide. C'est des documents de base que j'ai mis de côté avec, au fur et à mesure, où je puisais soit un thème, soit un auteur. D'accord. Je faisais connaître des auteurs. Je m'attardais, j'aimais beaucoup les poètes. Les poètes sont l'âme du peuple. Il faut savoir les choisir aussi. Si vous donnez leur poésie, leur poème, il faut aussi regarder du côté de leur vie personnelle pour comprendre le rapport entre ce qu'ils ont été et leur production. C'est ça, c'est devant cela que je m'arrêtais souvent. Poésie, mais aussi prose. Pour les leçons de groupe, pour les leçons individuelles, je montrais cette bibliothèque, et c'est là. L'étudiant peut choisir. Je peux l'aider un peu vers tel ou tel contemporain sur le tas, un contemporain qui a été traduit, qui vient d'être traduit. Pour s'il est un peu handicapé par l'arabe, jeter un coup d'œil sur la traduction. Je n'ai jamais été opposé au bilinguisme. Ce qui est en principe abhorré par les pédagogues de la maison. Vous pouvez m'en dire plus. Ça veut dire quoi d'être. Un texte traduit. Ouais. Et pourquoi pas. Oui. D'un roman traduit, j'ai là des romans traduits, entièrement traduits. Ah d'accord, pourquoi c'est pas. Ça qui était... Vous voulez dire que la consigne aurait été plutôt de ne travailler que sur des choses... Que de l'arabe, l'arabe en arabe, et rien que de l'arabe. D'accord. Que je trouvais un peu vaniteuse et vide. Vide de... concrètement vide, qui ne débouchait sur rien. Et ça se bloquait... sur la timidité du gars ou de la demoiselle en face, qui faisait semblant de comprendre. Et en fait, foulant le camp, mais il peut aller se documenter dans les bibliothèques, dans les librairies. Quand ils allaient à Beyrouth, ils venaient toujours avec des romans bilingues, les deux langues. Ah. Alors pourquoi ne pas faire autant là ? C'est vrai ? Oui. Donc vous étiez un vrai pédagogue à l'écoute de vos élèves. Oui, surtout quand vous enseignez, il faut savoir écouter. Ouais. Vous parlez, mais écoutez. Tout en parlant, écoutez. Vous voyez le feedback, comment ça revient. Et mettez-les à l'aise. Bon sang, mais ils sont là pour réagir, pour agir, pour dire zut, ça ne va pas, donnez-moi autre chose. Et est-ce que parfois les étudiants, eux, avaient des demandes précises par rapport à vous, suivant quels étaient leurs projets personnels, si, par exemple, s'ils préparaient des concours d'enseignement, ou bien si au contraire ils s'intéressaient plutôt à... C'est pas la presse ou... Est-ce que... Curieusement, on ne recrute pas d'étudiants qui sont déjà engagés sur un projet de recherche. Est-ce le hasard ? Est-ce la manière dont le recrutement se fait ? On n'a pas de stagiaires engagés déjà dans un projet de recherche en France ou en Belgique ou en Allemagne. Est-ce une question de maturité ? Peut-être. Peut-être aussi ça tient à la nature de la langue arabe. Le candidat à la langue arabe doit retrousser ses manches et se rendre le plus disponible possible. Et il ne se trompe pas en cela. Avant d'entrer dans, de faire quelques pas dans la langue arabe, elle est assez accaparante, assez épuisante. Vous ne pouvez pas porter en même temps, dès le départ, un sujet de recherche. le rôle des enseignants ici de d'aider à l'éclosion d'un sujet de recherche. D'intérêt particulier. Oui, de découvrir dans le candidat tel ou tel domaine qui pourrait l'intéresser, et de choisir en fonction de la bosse de cet étudiant-là, lui indiquer telle lecture, tel bouquin, tel... D'où la nécessité quand même de ces cannes, ces béquilles qui sont là, indispensables. Et alors, quand dans les leçons particulières, j'insistais beaucoup pour que l'étudiant regarde, feuillette en même temps que moi, les bouquins, je vois comment il agit, comment il... Qu'est-ce qu'il dégoûtait, qu'est-ce qui l'intéressait. La pensée contemporaine, en général, les intéressait beaucoup. Comment les faits qui se déroulent dans le monde, quel est leur écho dans le journal? Le journal constituait pour moi aussi une documentation de base, le journal, la revue. Et alors là, il fallait s'arrêter à un article, à quelques paragraphes de l'article, sans plus. C'était pour les leçons particulières. Mais pour le groupe, il faut revenir à du solide, du bouquin, des auteurs confirmés, des poètes confirmés, syriens, libanais, quelquefois, rarement, égyptiens. C'est un autre univers, l'Égypte. Mais la Syrie et le Liban, c'était ça, mon domaine. Je n'ai pas réussi à faire inviter tel ou tel auteur libanais. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à faire passer la pilule. À inviter, vous voulez dire physiquement, à les faire venir? Oui. Alors que je leur rendais visite chez eux, je liais connaissance, on devenait presque amis. Je rendais visite chez eux au Liban, mais je n'ai pas réussi. Mais j'ai cru comprendre que c'était récent de faire venir à l'IFPO des autres, justement des Syriens. Non, des Syriens? Oui. C'est quand même assez récent, non, de faire venir en conférence des Syriens à l'Institut. C'est un autre univers. Les conférences, c'est un autre univers. Non, mais ça aurait pu être ce poète. Oui, ça aurait pu être. Mais c'était pas encore quelque chose. Non, mon univers a été toujours le stage et les stagiaires. D'accord. Je n'ai jamais songé à déborder jusqu'à la salle de conférence. Non, jamais. Donc, si vous les aviez fait venir, ça aurait été pour être. Pour être entendu par les stagiaires. D'accord. Pour une leçon ou deux par les stagiaires, sans plus. Et vous l'aviez proposé? Je l'ai proposé, oui, maintes fois. Mais je n'ai pas trouvé d'encouragement. Qu'est-ce qui coinçait là-dedans? Ce n'était pas une demande si... Le silence. Respectueux. Ce n'était pas une demande si exorbitante? Je ne pouvais pas insister. Il fallait jouer sur les deux. Je ne pouvais pas promettre ici sans être déjà engagé là-bas. Qui vous aviez pensé faire inviter? Qui vous auriez aimé faire inviter? Des écrivaines libanaises. Comme? Allez, regardez. Vous trouverez leur œuvre traduite. Corrie. Hein? Vénus Corrie. Non. Moi, je me souviens que vous m'aviez fait connaître Zakaria Tamer. Maria Mopassil. Ah oui, par exemple. Si vous avez envie de le lire. Mais est-ce que vous organisiez votre journée? Alors, vous étiez sur la route et le soir, vous veniez faire le cours d'arabe? Pas seulement le soir. Comment vous organisiez votre temps? Moi, je me souviens qu'on avait des cours, que j'avais des cours avec vous, y compris dans la journée, le matin. Oui, un vendredi. Oui. Peut-être le vendredi. Vendredi. Vous aviez une vie très très dense. Et de voir comment leur institut évolue, comment le stage évolue. C'est très enrichissant, à mon avis, mais ça n'a pas été fait. Ça peut être fait après, aujourd'hui, ils veulent peut-être plus aller. C'est des idées un peu à l'avant-garde aussi. Ça se fait aujourd'hui beaucoup plus avec Internet, et je pense que c'est plus facile, vous voyez. Oui. Mais vous étiez un peu à l'avant-garde, peut-être. Dans votre générosité, votre façon d'écouter, quand vous dites, en fait, peut-être que vous étiez beaucoup à l'écoute de ces stagiaires, alors qu'un directeur qui passe, c'est vrai que lui, il est sur de la politique pendant 2 ans, 4 ans, donc j'ai un c'est défaut, pas du tout la même chose. Un défaut, je suis collant. Je suis très collant. C'est dans ma constitution. D'accord. Heureusement qu'ils sont bons. Heureusement pour eux ou heureusement pour vous. Pour eux, ce serait une catastrophe s'ils devaient me subir pendant plus d'une année. Ce serait terrible. Et vous avez gardé finalement avec tous les autres enseignants maintenant, visiblement, un contact. Vous êtes toujours. Si j'ai des contacts avec eux. Oui, vous êtes toujours là, très très très très présent. J'ai mon labeur là. Ouais. J'ai beaucoup de choses ici. Eh oui. Sans rapport avec l'Institut. C'est quoi votre labeur? C'est quoi ce que vous continuez à faire ici? C'est des projets personnels? Non. Mais non, je n'ai jamais envisagé, brigué mon travail personnel, publié. Non. C'est sans intérêt. Pour les autres comme pour moi. Dieu merci. On est d'accord là-dessus. Mais. J'ai des traductions. Là, en ce moment, il y a un livre qui me turlupine, comme on dit en bon français. Une brique, comme ça. Écrit par une ancienne sur la Syrie. Et sur des services de sécurité, s'il vous plaît. Elle en parle comme ça, comme d'une promenade sur le Barada. C'est quoi ce livre? Je vous l'apporterai si vous restez sage. Je l'ai passé en ce moment, il est entre les mains d'un monsieur qui se présente comme responsable de la traduction d'ouvrages qui intéresse le président de la République, s'il vous plaît. Enfin, ce qui prétend. Ça a été une demande, cette traduction? Ou c'est d'un éditeur, de l'État de... Non. L'ouvrage a été écrit en français. Ouais. Mais je l'ai proposé à ce monsieur. Ah, c'est vous qui l'avez proposé. À ce bureau, je lui ai dit, mais écoutez. Vous avez apprécié l'ouvrage? Ouais, donc... Je voyais si ça vous... Attendez, non, c'est lui qui me l'a passé. Ah, voilà, parce que c'est... C'est lui qui me l'a passé, mais il ne l'avait pas lu. D'accord. Il n'avait pas vu tout ce qu'il y avait dedans. C'est une brique. Et d'après un de mes collègues, il paraît que c'est une ancienne. Je ne l'ai pas reconnue. Vous vous rappelez le nom? Vous avez le nom en tête? Coralie. Caroline? Non, Coralie. Ah, Coralie. Coralie. Son nom est Coralie. Bonjour Nathalie. Vous avez un cours maintenant? On va s'arrêter alors. C'est une... C'est une méchante ancienne. Entrez, asseyez-vous là. On arrête. Vous avez un rendez-vous maintenant? Oui, mais je ne sais pas si vous êtes une interview. Non. Non, mais on a presque terminé. Si... D'accord. Où en est-il? Vous recherchez donc le nom de famille de cette Coralie qui a écrit cet ouvrage. Est-ce que vous connaissez Coralie? une brique énorme. Et il cherche maintenant un traducteur. Je lui ai proposé un. Ils ne se sont pas encore vus. Ça viendra. Traduit en arabe. Je lui ai dit que ça doit recouper le domaine que vous me signalez. Et puis je lui ai passé hier ou avant-hier une plaquette sur la CIA. Le monde en 1900. Combien? Quelle année nous sommes? 2010. Excusez-moi, j'ai des trous de mémoire. Non, pas, on dirait pas pourtant. Depuis le début, vous avez fait aucune erreur là. C'est... Enfin, 1900 m'a échappé. L'ouvrage, en tout cas, c'est pas 1900, c'est 2000. Le monde en 2020 selon la CIA. D'accord. Je le lui ai refilé. J'espère que ça l'intéressera. J'espère que ça l'intéressera et intéressera le président. Parce qu'en fait, vous faites des propositions de traduction maintenant. C'est venu comme ça. Puis, non, mais je reçois aussi de mes connaissances. La traduction d'un article, spiritualité, oui, enfin, je suis assez polyvalent. D'accord. Et donc je ne vaux rien. Oh. C'est vrai, quoi. Quand on multiplie, on perd. On a l'arabie, ben oul, le bihmel batikhtin doua. Si tu portes deux pastèques, elle tombe. Ça dépend, si on est très très vigoureux et qu'on a beaucoup d'énergie, on peut quand même les conserver. Et... Essayez. Vous avez l'air, en tout cas, vous n'avez pas l'air si mal. Bon, hein. Ça va. Bon, on va se laisser si vous avez un entretien maintenant. Je le connaissais. Vous connaissez? Vous l'avez vu? C'est un beau livre. Hein. Pour porter? Non. Pour le lire. Il faut le feuilleter, tout ça. Si vous envoyez d'autres, là, vous pouvez. Et vous pouvez revenir. Mais je déteste être entrevu. Je préfère être vu. D'accord. Mmh. Tu me suis. Bien.